donc un peu les filles. Allez, marquez ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi! Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit, rigfm.fr via internet et le 90.7 via, si vous écoutez, sur Bordeaux, sur la radio, sur les ondes hertziennes. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2023 et aujourd'hui donc on va faire une petite rétrospective de l'année sur toutes les émissions qui ont été concoctées à bord de RIG. On peut dire qu'il y a eu 26 émissions, si on compte celle-là ça fait 27 maintenant, il y a eu 8 émissions live du mois, il y a eu aussi 11 émissions album de la semaine et plus aujourd'hui, ça fait 8 émissions maintenant thématiques. Voilà, on va énumérer un peu toutes les émissions qui ont été faites au cours de cette année et puis on va écouter des extraits bien entendu et à la fin je vous ferai un petit cadeau. En avant-première, je vous mettrai un extrait de l'émission de l'année prochaine, de pour 2024, l'émission prévue déjà. Ouais, elle est faite, wow, c'est rare, c'est très rare qu'une émission est faite à l'avance. Allez, c'est parti, aujourd'hui donc on va retracer toute l'année 2023, juste avant d'attaquer les fêtes de fin d'année. Voilà, et puis n'hésitez pas pour vous dire aussi qu'il y a les podcasts aussi sur de l'émission Johnny de A à Z que vous retrouvez un peu partout, sauf sur Spotify. Il faut le dire, ils veulent pas, à cause de droits, des droits d'auteur, ils ne veulent pas qu'on diffuse nos podcasts. Sinon, on pourrait très bien les mettre, mais il faudrait enlever toutes les chansons et mettre uniquement notre voix. Donc, où serait l'intérêt d'écouter nos voix uniquement ? À part écouter la voix suave de Thierry, écouter ma voix suave également. Je sais pas, je vois pas où est l'intérêt. Quoi qu'il en soit, allez, si on attaquait un petit peu cette émission rétrospective, nous avions attaqué le 11 janvier 2023. C'était l'émission 506 et j'avais fait une émission spéciale Champs-Élysées. J'avais fait donc de 1982 à 2012. Johnny a régulièrement été invité dans l'émission animée par Michel Drucker et c'était l'occasion pour les deux hommes de s'amuser et de nouer une grande complicité à chaque tournage d'émission. Et en extrait, je vous propose d'écouter le medley des Champs-Élysées. C'était le 26 novembre 2011. Bonne écoute à toutes et à tous sur l'antenne de RIG. Émission Johnny de A à Z. Tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, mais quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Quelque chose en nous de Tennessee. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Tu sais, moi j'y mets mes joies, oui, j'y mets mes peines. Et tout ça, ça devient le blues. Je le chante autant que je l'aime. Et je le chanterai toujours. Il y a longtemps sur les guitares, des mains noires lui donnaient le jour pour chanter les peines et les désespoir pour chanter Dieu et puis l'amour. Le désir, le plaisir. Holiday by Holiday. Envoie-moi la musique. Johnny Chantalidé était à l'honneur dans l'émission du mercredi 18 janvier 2013. Hein, c'était l'émission 507 avec ce titre, donc « Toi qui t'en vas ». L'émission 508, le 25 janvier 2023, c'était l'album « En pièces détachées » qui était à l'honneur. Et on peut parler ici donc d'un album concept où l'on tourne en spirale autour d'un même thème, celui du désespoir qui fait suite à un chagrin d'amour et les différentes échappatoires pour s'étourdir, pour tenter d'en guérir. Et les textes d'inspiration plus ou moins biographiques sont majoritairement l'œuvre de Michel Mallory. Et voici en extrait Lady Divine, Johnny Hallyday sur RIG. Dans l'émission Johnny de A à Z, bien sûr. si bien m'énerver. Mes peurs et puis mon spleen, tu peux tout effacer. Tu me prends à tes lignes, tu me tires par le bout du nez. Magnifique. Well, lady, lady, lady, magnifique. Lady, lady, lady, Johnny, on le retrouve à Bercy en 1992, dans l'émission 509 du 1er février, évidemment, l'émission live. Je vous présentais donc des titres interprétés lors de une ou deux tournées de Johnny. Hein. C'était entre 1962 et 2015. Et voici un extrait, True to You, un titre qu'avait écrit Chris Rea pour Johnny Hallyday. Et un jour ou l'autre, je vous ferai écouter le duo impossible Chris Rea-Johnny Hallyday sur ce titre-là, True to You. Il y a des soirs comme de grands trous noirs où l'on s'abandonne, seul et sans personne, pourtant en sursaut. On repart à l'assaut, because I'll be true to you. Où le désespoir devient une force, en jaillit sous l'écorce de l'arbre qu'on croit mort. Là c'est encore, because I'll be true. Au plus fort de l'absence qui me fait t'ai promis de ne pas sombrer. Oui, même quand la folie ne me prendra à toi, ne résiste malgré moi, because I'll be true.

des mots, plus peur du grand voyage. Je vous présentais l'album de la semaine, le 42e album de Johnny 100% qui était sorti le 13 septembre 1999. L'album était composé par David Hallyday, également co-réalisateur avec Pierre Giaconelli. 100% est resté comme le plus grand succès public de Johnny Hallyday. Et le texte de François Sagan, quelques cris, a servi de révélateur au projet des deux générations Hallyday. Comme disait Johnny, on ne pouvait pas lui associer n'importe qui. Et au final, seront retenues les contributions de Philippe Labro, Lionel Florence, Pierre Grillet, Zazie, Vincent Ravelec, Eric Chemouni, Mio Sec et le retour de Michel Mallory, dont la dernière chanson de Johnny, pour Johnny, remontée à 1982. Voici le titre en extrait de ça, de cette émission, Notre Histoire. Ni les yeux, ni le regard, à maquillé en bleu, ce qui dans le fond est noir. Tu sais, mes yeux sont ton miroir. Regarde-moi un peu, veux-tu encore y croire?

1984 lors des Sunday Rock avec cette chanson Montpellier sur l'air de Joue pas de rock'n'roll pour moi. Et donc c'est lors de cette émission 516, c'était le live d'avril. Je vous présentais des extraits des concerts, des passages télé ou de radio peut-être oubliés par le temps, comme les Francofolies, le grand studio RTL et du genre les mini concerts de la place de la Nation en 1991. Voici à présent l'émission qui a eu en gros la plus grande écoute de l'année 2023. C'est l'émission, et j'en suis pas fier, je suis pas peu fier, c'est l'émission sur les duos impossibles. Voilà, je vous avais présenté 29 duos virtuels de Johnny Hallyday avec Elvis Presley, avec Kenny Rogers, avec Chuck Berry, avec Huey Lewis and the News, Joe Cocker, Bob Seger, les Beatles. Donc c'était les versions originales contre les versions ou avec les versions françaises. On cumulait les deux. Et là, je vous présente un duo impossible qui a été présenté lors de cette émission. C'est avec le groupe Emerson, Lake et Palmer et Johnny Hallyday sur le titre C'est la vie. Et avec l'instrumental de Emerson, Lake and Palmer. C'est la vie, avec ses joies, ses folies, je la prends comme elle vient, j'ai compris, c'est la vie. Do you love? And then how am I to know? If you don't let your love show for me, c'est la vie. Oh, in the night, do you light a lover's fire? Do the ashes of desire for you remain? Et des gens, tu connais la perfidie, ils me condamneront sans pitié, je sais, c'est la vie.

bon cet extrait en concert là. Eh oui oui, c'était la première fois qu'on pouvait écouter ce titre là en live dans une édition officielle. Le 21 juin, la fête de la musique, je vais vous présenter la rétrospective de la saison 22, hein, de 2022 à 2023. Et après, on passait enfin à la rentrée live du, je ne sais même plus la date, je crois que c'était le 20 septembre. Oui oui, il y a eu un petit temps de... pour ma rentrée était beaucoup plus tardive. Admission 522, je vais vous présenter des extraits live de 1961 à 2015. Et là, je vais vous présenter donc John Hallyday à l'Olympia en 2006 avec le titre « Derrière l'amour ». J'aimerais chanter cette chanson pour les filles. Vous les garçons, vous pouvez écouter quand même. Mais cette chanson, mademoiselle, j'aimerais la chanter pour vous. Derrière l'amour, il y a toute une chaîne. Pourquoi ? Question que l'on se pose. Oui, il y a des tas de choses. Des pleurs qu'on garde sur le cœur. Et des regrets et des rancœurs. Des souvenirs et et les visions des liens, Dieu ne va le loin qu'on gère pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi plus fort, empêche-moi de me laisser. Qui est cette femme auprès de moi? Quand tu me dis je t'aime, est-ce bien moi que tu aimes? Et lorsque tu me fais l'amour, est-ce que tu fais vraiment l'amour? Derrière ce grand rideau noir, tu m'interdis d'aller voir, de me voir. Donne-moi ton cœur pour y vivre et pour y mourir. Aime-moi, aime-moi plus fort. Empêche-moi. J'ai besoin de te m'assurer et de ton souffle et de ta voix, de tes joies, de tes plaintes. 6 septembre, je vous présentais l'album de la semaine Pas Facile, qui était sorti le 17 septembre 1981. 28e album studio de Johnny, enregistré de juin à août 81 à Londres, au Factory Studio et réalisé par David Mackay. Et je vous présente le titre C'est Pas Facile en version radio, hein, en radio édite, j'ai préféré. Version, voilà, promo, ouais, promo pour les radios. Octobre, mardi 24 octobre, je vais vous présenter des duos live, oui. Salut, c'est Johnny. Tu me permets, je finis, c'est ma présentation. Johnny en live. Oui, le mercredi 4 octobre, je vous présentais donc des duos live dans l'émission 524. Et c'était à l'occasion de la sortie du 27 octobre de la compilation Johnny Hallyday Duo. Et je vous présentais un live spécialement dédié au duo de Johnny Hallyday à la télévision, à la radio, sur scène et avec quelques duos virtuels réalisés par mes soins avec Bob Seger, Elvis Presley, Rolling Stone, Paul McCartney, John Fogerty et également Rod Stewart. Et c'est avec Rod Stewart qu'on va écouter ce duo impossible. Try this one now from 18 octobre 2023, je présentais l'album de la semaine de l'amour. Album conçu en 10 jours en été 2015 dans le plus grand secret et dévoilé le 9 octobre 2015 sur la scène à Lille avec la première interprétation du titre de l'amour avec son compositeur Yodelis. Ce n'est pas de l'amour que je vais vous présenter, mais ça sera un des titres, on va dire version speed que j'ai un petit peu accéléré, la chanson Valise ou cercueil. Il brade leur honneur.

C'était le mercredi 1er novembre 2023. Alors, je vous présentais donc dans l'émission 527 les répétitions live avec John Hayden, répétition de Paris à Los Angeles de 1960 à 2015. Et là, vous avez pu entendre John Hayden en répétition au Palais des Sports en 1971 avec le titre Flagrant délit. Et évidemment, vous avez pu entendre sa colère parce qu'il n'entendait pas les cuivres. Et dans l'émission 528 du 15 novembre 2023, l'album de la semaine a été Le Pénitencier, qui était le dernier disque de John Hayden à Paris, être sur le format 33 tours 25 cm le 24 octobre 1965. Et Johnny apparaît sur les pochettes du IP et du 25 en tenue militaire, condition sine qua non imposée par les autorités militaires pour l'autoriser à enregistrer et à sortir des disques durant la période de son service militaire. Et je vous propose d'écouter la Pour moi tu es la seule, mais la version alternative. J'en ai vu beaucoup, dis-toi, de ville en ville, mais jamais sur mon chemin une fille comme toi. Trouver mieux, cela me paraît difficile. Laisse-moi te dire qu'il n'en existe pas. Car pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Yeah, yeah. Ta façon, oui, de m'enlacer, c'est me troubler. Ta façon, oui, de m'embrasser me fait crier. Pour moi, tu es la seule. Oui, pour moi, tu es la seule. T'es si jolie, mieux que ces filles dans les journaux. Pour te voir, les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie. Car pour moi, tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu, ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait rêver. Pour moi, tu es la seule. Yeah. Ces filles dans les journaux. Pour te voir, les garçons arrêtent leur auto. On devrait t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie. Car pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Yeah, yeah. Ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, mais fais rêver. Pour moi, tu es la seule. Car pour moi, tu es la seule. Oui. Est-ce que vous vous souvenez que je vous avais préparé un petit duo impossible avec John Hayden et avec Johnny Guitar Wilson sur ce titre Pour moi tu es la seule, Sweet Loving Mama? Eh bien, ça vous dirait de la réécouter celle-là? Oui, Bernie, j'avais envie sur le coup. Avec la version de Johnny Guitar Wilson. Et c'était en 1964, la version de Johnny, hein, pas 65, 64. Merci. Been around the world, I've been from place to place. I say you take the kick. Every time I see you, girl, I can't be still. Let me tell you, girl, that's how you make me feel. 'Cause you're my sweet loving mama. Say you're my sweet loving mama. Yeah, yeah. Got the kind of loving that I dream about. Got the kind of kissing that I can't do without. You're my sweet loving mama. See, you're my sweet loving mama. C'est si joli, mieux que ces filles dans les journaux. Te voir, les garçons arrêtent leur auto. On devrais t'interdire d'être belle comme ça. Laisse-moi te dire enfin toute ma joie, car pour moi tu es la seule. Vraiment la seule. Vois-tu ta façon de me regarder, c'est me charmer. Ta façon, oui, de murmurer, me fait rêver. Pour moi tu es la seule. Car pour moi tu es la seule. They stop their cars. Ought to be a law against a girl so fine. Laisse-moi te dire enfin tout est la joie, car pour moi tu es la seule. La seule. Hey yeah, got the kind of loving that I dream about. Got the kind of kissing that I can't do without. You're my sweet loving mama. Il y a un mois de ça, je vous présentais l'émission 529, oui, avec une émission dédiée au dernier titre actuel de Johnny, dernier actuel inédit de Johnny Hallyday, composé par Yodelis et écrit par Vincent Jacob. C'était Le Cri. Donc, vous découvriez dans cette émission, notre rencontre avec David, avec Fabien, avec Yodelis, suite à l'écoute à l'avant-première du titre Le Cri, le 6 novembre 2023. Et lui, il est sorti donc le 27 novembre. On écoute à nouveau Yodelis qui nous raconte un petit peu la genèse du morceau et on entendra ce titre, Un cri de Johnny Hallyday. Je te fredonne le truc parce que ouais. Enfin, je vais pas réussir la compétition avec Mister. T'inquiète, mais en gros, c'était. En fait, là, c'est là-dessus qu'il chante. Ouais, j'ai connu la violence bien avant ma tendresse. Mais rien que ça, j'ai connu la souffrance, les racines et les détresses. Les illusions perdues. En fait, le truc, c'était ouais, ça, là. Ouais, ouais. Sauf que. Du coup, ça correspondait pas du tout à la DA du truc, bien que le texte est quand même c'est dingue. Il est bon, le texte. Parce que déjà, ça parle de lui dans le fait que c'était un combattant et un survivant. Et c'est cet instinct qu'il avait animal de toujours vouloir être au top, mais de manière extrêmement... belle et de force et enfin voilà, en tout cas moi je l'admirais beaucoup pour ça et du coup voilà, ça rentrait pas dans la DA de ce truc et quand je l'ai réécouté plein de fois, j'arrivais pas à sortir de ce truc là et puis il y avait un truc où il l'a poussé très très fort en fait, tu vois, plus que la chanson l'aurait nécessité, tu vois, et donc du coup quand j'ai réouvert la voix, j'ai écouté le truc, j'ai mis la voix en solo. J'ai pris une guitare comme ça et du coup m'est venu le. Et du coup, et je me suis dit, et si on changeait jamais d'accord ? Mm-hmm. Comme si c'était une espèce de bagarre, tu vois, un grand d'art et une transe, tu vois, je veux. Mm-hmm. Tu as une espèce de transe, parce qu'en fait, la basse, elle fait jamais, même quand les accords de guitare dont tu parles ouvrent l'harmonie. Hein ? Donc ça fait. Et ça reste. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Trump, hein. Ouais. Ouais. Et même pendant le riff. Le truc, il continue. Ouais. Et en fait, j'avais envie que ce soit une espèce de bagarre. On m'a rien donné, ouais, machin. Ça, moi, ça c'est ce que je suis. Tellement bien. Voilà, c'est une espèce de transe, en fait, tu vois. Et tous, et après, le deuxième couplet, c'est une espèce de d'ode à l'Amérique. À cette Amérique, c'est ce qui nous rapprochait, même malgré notre différence de génération, mais cette Amérique fantasmée, ouais, de héros qui n'existe plus, ou qui peut-être n'ont jamais d'ailleurs existé. Ouais, enfin, l'Amérique de Johnny, quoi. comme ça, des James Dean, des Marlon, de Danny Hooper, qui lui tendent un verre rempli d'espoir, ce truc qu'il avait pour les États-Unis et tout ça. Et donc, voilà, enfin, je suis très heureux de partager ce titre-là avec vous, parce que je pense que c'est un bon titre d'Hallyday. Ah oui. Johnny, là, il voulait faire un album rockabilly avec toi et Brian Setzer, et c'est vrai que c'est tu savais. Ouais. Il t'avait parlé. Oui, je l'ai appris en conférence de presse. Voilà. Pour te dire, il avait ça. Pour il te dire, ça, on fait la conférence de presse de l'amour. On va faire ça après. Johnny, non, sinon j'ai un projet d'album rockabilly avec mon ami Odelis et Brian Setzer. D'accord. Moi, je suis là. Okay. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, est-ce que celui-là, de ce titre-là, n'était pas à la base parfait. J'aurais adoré. Non, en fait, non, c'est vrai que y avait cette envie de faire un album purement rockabilly. Moi, je t'avoue qu'après De l'amour, en vrai, moi, j'étais vidé. J'avais donné tout ce que j'avais à donner. Et puis, je pense que c'était le temps de quelqu'un d'autre de prendre le relais de la continuité des disques, quoi, tu vois. Et après, bon, les liens sont forts. À un moment, il y a eu une espèce d'identification que j'étais monsieur musique. Donc, du coup, voilà, s'en frappe la tête. je ne suis qu'un cri. Le cri de Johnny Hallyday est donc sorti en novembre 2023. Et je me suis amusé, oui. Et ben c'est la dernière émission de l'année, donc ben je fais des heures sup, je fais des minutes supplémentaires. Et donc je me suis amusé à mettre, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que le titre Un cri ressemblait à la chanson de l'amour. Ben qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Ben oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'instrumental donc de l'amour et j'ai mis les paroles donc de Johnny Hallyday, Un cri. Et ça donne ceci. Ben écoute, ça marche. On m'avait rien donné, pas même une bonne étoile, un nom qui trace une ligne d'orgueil. J'ai dû prendre des coups, éviter des balles, oublier comme on floue le cercueil. J'ai goûté la violence, oui, bien avant la tendresse. J'ai connu la souffrance, l'errance et la détresse. Les illusions perdues à s'en frapper la tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je ne suis qu'un cri. Je l'ai arraché à la vie. Ce que je ne suis qu'un cri. Quand on est seul au monde, on se rêve une histoire, un plus d'amitié grand soir. Marlon, James Dean et Dennis au comptoir, qui me tendait un verre rempli d'espoir. J'ai goûté la violence, oui, bien avant. S'en frappe la tête. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je suis, je l'ai arraché à la vie. Ce que je suis. Je ne suis qu'un cri. Cette version, je l'ai appelée Un cri d'amour. Tout simplement, voilà, mix donc de Un cri, les paroles d'un cri, le chant de Johnny Hallyday et la musique donc de l'amour. Émission suivante, c'était le 29 novembre 2023. Je vous présentais des singles partie 2, hein, suite à l'émission 515 du 23 mars 2023 avec les singles Johnny Hallyday absents de tout album studio, uniquement présents sur ses 45 tours IP, ses 45 tours SP et les CD singles ou autres albums et singles d'autres artistes. Voici une chanson que j'aime beaucoup et que vous aimez également, c'est la chanson Toujours là, Johnny Hallyday sur RIG et toujours dans l'émission Johnny de A à Z. Ce soir, c'est la rétrospective de l'année 2023. À 6 heures du matin, il faut faire le point. Parfois pour exister, je me tue la santé. Et comme dans un linceul, je me sens vraiment seul. Mais dans le pire des cas, sans baisser les bras, contre vents et marées, marée noire ou glacée, il faut savoir ne pas tricher. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Dernier titre de cette émission Johnny 2 à Z spéciale rétrospective 2023. Lors de l'émission de la semaine dernière, je vous ai présenté un Johnny en live avec des titres conçus et chantés pour un spectacle ou une tournée de Johnny Hallyday. Et on termine cette émission avec le titre Point Cœur, extrait du Zénith 84. Se bagarrer de toujours. Je mets Joyeux Noël, Johnny Hallyday. Joyeux Noël, Johnny Hallyday. Joyeux Noël à vous. Ce n'est pas fini, vous n'avez pas entendu encore le générique de fin. Je vous avais promis d'écouter un extrait de la prochaine émission qui sera en direct le 3 janvier 2024. Et cet extrait est tiré donc de la tournée Laura Datour de 1996. Johnny avait rajouté 4 titres, Que je t'aime, Le pénitencier, Mon petit loup. Et voici le 4e titre que je vous propose d'écouter de suite, Je veux te graver dans ma vie, à Saint-Flour le 21 août 1996. Je suis seulement s'achève l'émission Johnny de A à Z avec la rétrospective de l'année 2023. Je vous remercie toutes et tous d'avoir suivi cette émission tout au long de cette année 2023, bien entendu. Et je vous souhaite à tous de très très très très bonnes fêtes de fin d'année. On se donne rendez-vous donc le mercredi 3 janvier 2024 pour une superbe émission. À bientôt à toutes et à tous. Ciao, ciao.